Analyse du 7 juillet 2022. États-Unis. Pourquoi les conspirationnistes de QAnon inquiètent? Thierry Pirlo, Sherpa One. J'ai retrouvé un très bon article mainstream du 26 août 2019 sur la nébuleuse QAnon, dont vous retrouverez le lien en commentaire. Un article bien sûr très orienté complot et extrémiste de droite, à qui il doit manquer quelques neurones, mais dans l'ensemble très juste sur la réalité de Q, même si le journaliste tente de décrédibiliser l'ensemble du mouvement. Cependant, quelques erreurs subtilement introduites dans l'article sont à corriger d'urgence. Premier point. La notion de deep state ou état profond ne date pas de 1980 en Turquie. Mais elle date bien de John Fitzgerald Kennedy en 1963, à l'occasion d'un discours mémorable à l'attention du peuple américain qui l'enjoint de se méfier du deep state américain, qui pour lui n'est autre que le complexe militaro-industriel, devenu avec le temps une véritable hydre 100 fois plus puissante que le gouvernement américain lui-même et qu'il tient pour responsable de la dictature mondialiste qui s'installe dans le monde à grands pas. JFK en est mort. C'est la première erreur, et non des moindres, de cet article qui tente à minimiser l'importance du deep state américain encore aujourd'hui. D'autant plus que le discours de JFK est disponible sur le net. Deuxième point. Le journaliste indique que Trump a reposté des drops de Q, ce qui est vrai. Mais il oublie de dire que Q a posté de nombreuses fois de suite des tweets de Trump avec des synchronicités appelées Delta de quelques secondes et en rapport direct avec ces mêmes tweets. On parle ici de 2 à 5 secondes de décalage dans les posts, ce qui est stupéfiant au niveau de la rapidité de ce Q à poster la même chose. Sauf si, évidemment, Q est une opération militaire de l'Alliance, dont fait partie l'oncle Donald. Fin de l'histoire. Troisième et dernier point. Le journaliste parle de l'île d'Epstein comme de l'île aux enfants avec Casimir en parlant de jeunes filles dénudées. Sans entrer dans le détail, on parle ici des hommes les plus riches et les plus influents du monde qui se tapent des gosses quand ils ne les torturent pas à mort. Le tout filmé par les caméras du Mossad, les services secrets israéliens. C'est de cette façon qu'après de nombreuses années de sévices, ils peuvent tenir par les couilles tous ces tarés et hommes d'influence par le chantage. Et des femmes aussi, bien sûr. Voilà pour ce qui est de QAnon. Que l'on y croit ou pas, depuis 2020, les complologues font carton plein. Et désolé pour les sceptiques coincés en zone grise. Il est temps d'avaler la pilule rouge. Sherpa One.